Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourté, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. Nuit Racine. Nuit Racine, Racine au pluriel, en tout cas nuit au pluriel. Deux nuits Racine. Aurons-nous des nuits plus belles que vos jours ? Nous allons voir. Indiquons tout de suite en tout cas la programmation de cette première nuit. Bérénice, tout d'abord, avec en tête de distribution Jean Chevrier, Jacqueline Moran et Serge Reggiani, une diffusion qui remonte à 1950. Puis une conférence que Béatrix Dussan avait donnée dans le cadre de l'Université des Annales en 1965 sur les débuts du jeune Racine. 1664, la Thébaïde. Prestige du théâtre, ensuite, Sarah Bernard, la fille de Minos et de Pasiphaé, parlée en chancerelle à la Société d'Histoire du Théâtre. Première diffusion 1953 sur la chaîne nationale, puis un Britannicus dans le cadre de l'émission de Michel Pollack, diffusée en 1956, lecture à une voix, ça veut dire qu'il y a un seul comédien ou une comédienne, un comédien en l'occurrence, qui interprète tous les rôles, c'était Jean Marchat. Puis, anthologie française, Racine prosateur par Jean Daubert, une émission qui date de 1962, puis l'art du comédien, propose et pratique, cours donné à de jeunes comédiens par Madame Simone. Les jeunes comédiens interprètent Phèdre, c'est l'acte 2, scène 5, donc c'est Phèdre face à Hippolyte. Et au cours de la nuit, nous aurons reçu le comédien et metteur en scène Serge Bourris à propos de son spectacle Racine par la Racine. 11 tragédies résumées, racontées en 1h15. Mais c'est avec vous, Jennifer Tamas, que nous allons commencer cette nuit Racine. Alors bonsoir, Jennifer Tamas. Bonsoir, Philippe Garbi. Vous avez publié récemment un essai chez Droz, intitulé « Le silence trahi » et sous-titré « Racine ou la déclaration tragique ». Alors c'est un livre, vous précisez au début dans vos remerciements, qui s'inspire d'une thèse de stylistique soutenue à Paris 4, Sorbonne. Et puis en plus de ces remerciements, alors c'est un peu comme une scène d'exposition, vous exprimez votre reconnaissance. Je ne sais pas si vous avez changé reconnaissance, remerciement par reconnaissance pour varier, mais peut-être c'est autre chose la reconnaissance. En tout cas, vous dites, Jennifer Tamas, que vous demandez la reconnaissance est là pour... envers ceux qui vous ont écouté parler inlassablement de Racine. Alors moi, on en est ravis parce que vous allez parler inlassablement de Racine, en tout cas en ce début de nuit. D'ailleurs, j'ai découvert donc, après avoir lu cet essai, que vous n'étiez pas, vous parliez pas de Racine à La Ferté-Milon, comme ça pourrait être le cas, Port-Royal, à Paris, etc. Vous êtes aux États-Unis. Oui, je suis aux États-Unis et plus particulièrement, j'enseigne à l'université publique du New Jersey qui s'appelle Rutgers University. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y avait une communauté de raciniens qui vous a appelé comme ça? Pas du tout, non. Mais ce qui est intéressant dans le New Jersey, c'est qu'on a beaucoup d'étudiants qui ont certes la nationalité américaine, mais qui viennent des quatre coins du monde et qui étudient le français. Et en général, moi, j'enseigne des cours plus avancés de littérature française et particulièrement de théâtre d'Ancien Régime. Et j'ai des étudiants qui, a priori, ne connaissent pas grand-chose à Racine. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont aucun a priori, qu'ils ne représentent pas aux États-Unis comme en France, à la Sorbonne, ce monstre sacré sur lequel les professeurs n'ont pas trop le droit de dire des choses parce qu'on doit toujours prouver qu'on doit dire des choses nouvelles. Donc, en fait, ils arrivent sans a priori non plus sur ce que représente le théâtre classique, la monotonie de l'Alexandre. Donc on peut faire des choses tout à fait nouvelles et l'enseigner à des gens qui le découvrent. Et ce qui est intéressant aux États-Unis aussi, c'est que l'enseignement se fait toujours à partir de l'expérience personnelle des étudiants. On part toujours de ce qu'ils connaissent pour les amener à découvrir les textes fondamentaux de la littérature française. Donc c'est ça qui est intéressant. Et alors, ils sont francophones ? Alors, certains sont francophones, on les appelle les heritage speakers, parce que ils ont parlé le français dans leur famille, parfois. On a des Haïtiens, par exemple, parfois des Égyptiens qui sont allés à l'école française, donc ils ont du français, mais certains apprennent le français à l'université. Et donc, c'est pour eux une langue étrangère. Et du coup, c'est intéressant parce que le théâtre permet un petit peu de performer. On fait des explications de texte traditionnelles, etc. Mais je les fais tout le temps jouer. Et du coup, c'est un peu une parole qui les met en danger, qui les expose et qui les force à parler la langue d'une autre façon. Donc, en Alexandra. Eh oui. Croyez-le ou non, mais on fait toujours à la fin du séminaire. Donc ça, c'est pour les étudiants undergrad. Donc les undergrad, c'est les étudiants qui sont jusqu'en licence, par opposition aux graduate students, qui sont en fait les étudiants qui préparent une thèse. Mais avec les undergrad, ils ont le choix à la fin du semestre, soit d'écrire un research paper, qui est une sorte de dissertation améliorée, c'est-à-dire qui relève plus du genre de l'essai, ou alors de faire partie du spectacle qu'on monte et de mémoriser une scène, de la jouer avec des costumes et on l'enregistre. Et donc c'est intéressant pour eux parce que parfois ils n'ont jamais fait de théâtre et justement ils doivent domestiquer cette langue, donc Racine, Corneille et puis bien d'autres. Hein. Parfois je vais jusqu'au 20e siècle quand même, j'ai le droit, c'est les États-Unis donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc ce semestre-là, on a fini avec une étude de Jean-Luc Lagarce par exemple. Et comment prononce-t-on, quand on est une jeune Américaine ou un jeune Américain, comment prononce-t-on Jean Racine ? Alors, quand c'est pas John Racine et Peter Corneille, ils font l'effort de nasaliser, donc John, Jean, enfin après ils y arrivent, mais c'est vrai que ça demande beaucoup beaucoup d'efforts. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que en tant que maître de conférence, j'ai le droit d'avoir comme assistante une jeune doctorante qui, elle, s'occupe d'un atelier théâtral qui complète un peu le séminaire, même si moi j'adore essayer de faire de la mise en scène, mais c'est pas mon métier. Mais en tout cas, ils ont des travaux pratiques de prononciation avec quelqu'un qui complète le cours. Alors, qu'entendent-ils dans les œuvres, dans les tragédies ou la comédie unique de Racine, vos jeunes étudiants, Jennifer Tamas? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça leur parle beaucoup. J'espère. Ouais, non, mais pas pour les raisons pour lesquelles on pourrait penser que ça les intéresserait. C'est-à-dire que Donc ce qui est bizarre aux États-Unis, c'est que souvent on est amené avant même de commencer le cours à faire ce qu'on appelle des trigger warnings. Donc, traduction. Trigger warning, c'est attention, je vous préviens, je vais parler pendant le cours de choses telles que l'inceste, le viol, les crimes, et ça peut réveiller chez vous des traumatismes, etc. Et moi je préfère toujours le dire, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on travaille sur des scènes parfois qui sont violentes et qui peuvent réveiller les troubles. Et on est obligé de faire ça. Ça paraît un peu bizarre, mais en tout cas, voilà. Et finalement, en fait, moi, ce qui m'a intéressée quand j'étais doctorante dans le théâtre de Racine, c'est, on pourra y revenir plus tard, mais c'est le non-dit qui travaille le texte et qui soutient ce que j'appelle cette tension dramatique et ces situations bloquées dans laquelle les personnages doivent trouver une solution, une déclaration. Donc ce qui intéresse les étudiants, c'est en fait paradoxalement des situations qui va, comme je vous l'ai dit, réveiller leur expérience personnelle et par exemple ces unions qui sont impossibles ou dangereuses ou interdites, par exemple Phèdre ou Titus, par exemple. J'ai des étudiants qui comprennent cette séparation impossible à proclamer entre Titus et Bérénice, par exemple, parce que j'ai une étudiante qui m'a dit « oui, moi je suis hindoue, par exemple, et ma famille ne supporte pas l'idée que je sois avec quelqu'un d'autre, et j'ai déjà été conduite à ces scènes de séparation ». Vous voyez, c'est très... très original. Si vous voulez, ça commence par des constats un peu naïfs comme ça, mais ça permet en fait de rendre le sujet profondément intéressant pour eux. Et ensuite, à partir de ça, on va parler plus conceptuellement d'Aristote, de qu'est-ce que c'est qu'une tragédie, de qu'est-ce que c'est qu'un nœud, qu'est-ce que c'est qu'un dénouement, etc. Donc, mais de toute façon, comme pour toute littérature qui est universelle, elle doit en effet nous renvoyer à la famille, au crime, au meurtre, à l'amour, taire l'amour, avouer, ne pas dire, et renoncer, pleurer, se suicider. idées, etc. Enfin, non, mais oui. Tout est dans Racine. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'en France, on est très, très bien formés à l'école. Et c'est vrai que moi, quand j'ai choisi de faire de la littérature, c'est parce que je suis tombée amoureuse de Tristan et Iseut quand j'avais 15 ans en lisant cette histoire. Et, mais c'est vrai que je me rappelle, à l'université, on nous a bien dit, oui, la littérature, c'est pas la vie. Il faut bien distinguer l'homme, l'œuvre, la littérature, la vie, les questionnements, les problématiques, c'est différent. Donc, c'est vrai que c'est une autre façon d'appréhender la littérature qui, encore une fois, paraît naïve, je pense, à des professeurs qui sont passés par des systèmes plus rigoureux, mais que moi, je trouve absolument fascinante parce qu'on voit que ça les fait pleurer, ça les émeut profondément. Et moi, c'est comme ça que j'arrive à gagner leur attention. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on me dit « Mais qu'est-ce que tu fais aux États-Unis à parler du XVIIe siècle? Est-ce que tu trouves des gens que ça intéresse ?» Et en fait, oui, je trouve beaucoup de gens que ça... L'histoire d'honneur, toujours. Ah oui, voilà, la question de l'honneur, par exemple. Typiquement, moi, j'ai des jeunes filles qui viennent du Moyen-Orient et la question de l'honneur, c'est vraiment quelque chose, c'est une question actuelle. Enfin, c'est pas du tout quelque chose de daté. L'honneur familial, la honte, etc. C'est quelque chose même qu'elles vivent quotidiennement, le rapport aux frères, etc. Donc, c'est vrai que ça rend la tragédie profondément actuelle, en fait. Et aux États-Unis, alors pour élargir le propos, pour quitter le New Jersey quelques instants, Jennifer Tamas, vous pensez que, enfin, vous savez que, par exemple, Racine est jouée au théâtre dans les grandes villes? Oui. Et puis j'ai des collègues et amis qui s'en occupent. Et par exemple, Sylvain Guyot, qui est à Harvard University, je sais que là, elle était en année sabbatique, elle est allée justement à New York écouter ce qui se faisait. Elle met régulièrement en scène des tragédies à Harvard. Elle a une troupe. J'ai plein d'amis en fait qui s'en occupent et pour qui c'est fondamental, effectivement. Et c'est une traduction ou c'est l'original? Enfin, alors, c'est le texte français. Ils font les deux. Certains, donc même plus proche de moi en fait, à Princeton par exemple, j'ai un collègue qui s'appelle Florent Masse et qui tous les ans met en scène du Racine avec les étudiants de Princeton, soit en passant par des traductions, soit vraiment le texte de Racine lui-même, parfois des extraits, parfois toute la pièce. Donc, quelles pièces, par exemple, sont les plus représentées aux États-Unis? C'est vrai qu'on a souvent Phèdre, ça reste quand même la pièce la plus emblématique de Racine. Sinon, Andromaque aussi, qui a été représentée. Et plus communément, c'est vrai, des scènes, des extraits d'Esther, qui sont parfois plus faciles à réaliser avec des étudiants américains, justement. Alors, on va écouter une Phèdre. Phèdre de Racine, par Madame Sarah Bernhardt. Oui, prince, je languis, je brûle pour tes yeux, je l'aime. Non, point tel que dans tous les enfers, voilà, j'adorateur venu d'objet divers, qui va du dieu des morts, déshonorer la couche, mes fidèles, mes fiers, et même ce charmant, jeune. Traînant tous les cœurs après toi, tel qu'on défend nos dieux, ou tel que je vous vois. Il avait votre corps, vos yeux, votre langage, cette noble pudeur colorait son visage. Lorsque dans notre traite, il traversait les flots, diffusait des vœux, des filles de Minos. Mais que faisiez-vous alors? Pourquoi sans-y poliser, au de la Grèce, assembla-t-il l'élite? Pourquoi trop jeune encore, ne puis-vous alors entrer dans le vaisseau qui mit sur nos bords? Par vous aurait péri le monstre de la Crète, malgré tous les détours de sa vaste retraite, pour en développer l'embarras incertain. Ma sœur du fils fatal, eût armé votre main. Maintenant, dans ce destin, je l'aurais devancé. L'amour m'en eut d'abord inspiré la pensée. Poussez-moi, prince. C'est moi dont les fils se courent, vous usez la grâce, enseignez les détours. Que de soin nous coûter cette tête charmante. Ainsi, il nous soit assez rassuré, votre amante. Compagne du péril, s'il vous fallait chercher, moi-même devant vous, j'aurais voulu marcher. Et Phèdre, la virage avec vous descendu, se serait avec vous retrouvé ou perdu. Sarah Bernhardt, enregistrée en France et non aux États-Unis. Alors, où elle est-elle? Jennifer Tamas, vous ne souffrez jamais d'extinction de voix? Si, parfois. Comme professeur? Oui. Vous comprenez pourquoi je vous pose cette question? Bien sûr. Alors, expliquez-nous. J'ai l'impression que tout est parti de là, non? Cette idée que un mémorialiste pouvait perdre la voix et du coup ne plus parler en un siècle où la parole était portée au pinacle. Oui, donc vous faites référence ici à la correspondance entre Racine et Boileau, justement l'ami de Racine qui est à l'époque historiographe du roi comme Racine, lui écrit qu'il est dans tous ses états parce qu'il n'arrive plus à parler, qu'il est malade, qu'il essaye différents traitements et que le matin même, il se retient de parler parce que tous les matins, il caresse l'espoir d'avoir retrouvé la voix, donc il... Donc Racine lui écrit, le recommande de prendre plusieurs traitements et donc c'est vrai que je commence le livre avec cette petite anecdote parce que on voit souvent dans les pièces de Racine ce rapport à l'aphasie en fait et l'aphasie souvent qui est une expérience de l'amour qui ravit la voix. Et le sirop d'abricot ne peut peut-être quelque chose contre l'extinction de voix, mais ne peut rien contre le chagrin d'amour ou contre la difficulté à avouer son amour. Alors, est-ce que vous êtes passé dans Jennifer Tamas, parce que au point de départ, c'est ça, dans Le silence trahi, Racine ou La déclaration tragique, de cette idée de voix qui ne peut s'exprimer alors qu'on est au théâtre et que l'on doit tout dire, mais retarder, parfois freiner, parfois ne pas dire, parfois contourner, etc. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que... Le silence. C'est ça, c'est que le silence, en fait, fait figure d'intrus au théâtre. Quand on lit les traités de l'époque, et notamment la pratique du théâtre de Daubignac, on nous dit bien qu'il ne faut pas que la scène soit silencieuse. C'est tabou, enfin, c'est-à-dire que, comme la parole est action, dès qu'il y a silence, ça peut suspendre l'action, et donc ça peut occasionner du trouble. Donc la force de Racine, c'est de montrer que... la fable théâtrale elle-même est une revanche sur l'aphasie. C'est-à-dire que le silence fait partie d'une expérience du passé. Je voulais lui parler et ma voix s'est perdue. Dit Néron, quand il tombe amoureux d'Unie et qu'il n'arrive pas à lui parler, je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue, un trouble s'éleva dans mon âme et perdu, je ne pouvais parler, dit Phèdre. Donc à chaque fois, et même par exemple quand une pièce qui est un petit peu moins connue, mais qui était la préférée de Louis XIV, Mithridate, au début de Mithridate, Xiphares dit « Je l'aime et ne veux plus m'en taire ». Donc c'est cette idée que l'amour provoque un silence et que la fable, du coup, théâtrale va venir combler ce silence. Et du coup, les personnages n'ont de cesse de gloser le silence et de même d'essayer de déchiffrer les silences, plus ou moins heureusement, plus ou moins violemment. On va essayer d'entrer dans cette forteresse du silence et de faire parler les personnages malgré eux. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est toutes ces formes de silence et comment on peut les dramatiser en fait, comment Racine invente, bien invente le théâtre symboliste, etc. Cette dramaturgie du silence que moi je trouve éblouissante. Voilà. Je laisse un petit silence après vous pour montrer qu'on peut aussi faire silence à la radio, Jennifer Tamas. Alors, donc, silence, effet de sourdine, c'est différent ? Un petit peu. Alors c'est vrai que moi, ça m'avait beaucoup impressionné, cette étude de Léo Spitzer sur l'effet de sourdine. Mais c'est ça que je trouve difficile sur Racine, c'est que souvent, on est ébloui par des analyses extraordinaires, celles de Spitzer, celles de Barthes, qui nous paraissent extrêmement justes quand on les lit. Donc c'est ça que disait Spitzer, qu'il y avait des formes d'atténuation, que Racine travaillait à travers un commentaire stylistique très puissant. Donc Léo Spitzer pointait tous les effets qui amoindrissaient, qui faisaient sourdine en fait, qui permettaient de mettre à distance avec des pluriels généralisants, etc. Mais en réalité, enfin c'est vrai, ça m'a ébloui, mais en même temps, ce qui me frappe aussi, c'est quelque part c'est faux parce que moi j'ai été saisie par la violence racinienne, la violence des passions, la violence de certaines images, ce qui est pas forcément contradictoire, mais en tout cas ce qui est une forme de contrepoint, donc qui est intéressante. Et c'est pour ça que même dans le titre de mon livre, j'ai essayé de rendre compte de ce contrepoint entre le silence d'une part et la déclaration tragique d'autre part, c'est-à-dire qu'on fait silence, mais pour mieux faire tonner la déclaration, que la déclaration soit une déclaration d'amour, qu'elle soit une profession de foi avec l'identité juive d'Esther. Il y a tout un silence qui prépare ce moment de crise qui sera révélé par la déclaration tragique, en fait. On fait silence ou on retarde aussi le, oui, la déclaration? Tout à fait. Et c'est pas simplement un personnage qui, l'expression serait épouvantable, mais qui fait du remplissage, enfin, qui parle d'autre chose ou qui contourne, qui se retarde lui-même. Mais c'est aussi un personnage qui quitte la scène parce que c'est pas le moment, quoi, d'avouer. Tout à fait. Donc le silence, il est tissé de plusieurs manières par le dialogue des personnages et même par ce qui se passe hors scène. Par exemple, moi j'ai été frappée, vous rappelez, dans Bajazet. Bajazet commence par cette phrase « Aujourd'hui, Roxane » et Bajazet doit se déclarer par rapport à Roxane. Et donc Roxane dit bien, dès qu'elle entre en scène, qu'il faut qu'elle éclaircisse le cœur de Bajazet et qu'il se déclare parce que s'il n'est pas amoureux d'elle, elle va provoquer sa mort. Et du coup, il y a la déclaration d'amour de Bajazet qui est présentée hors scène et que va retraduire plusieurs personnages en glosant le silence de Bajazet. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun va donner son interprétation de ce silence, que ce soit Atalide, et ensuite Bajazet lui-même, et Roxane va revenir aussi sur le silence qu'elle a cru être un silence amoureux et qu'elle réinterprète ensuite avec une signification totalement opposée. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est cette dramaturgie du silence. Et c'est l'éloquence racinienne face, oui, au silence, enfin à l'éloquence. Est-ce que Racine a, selon vous, Jennifer Tamas, a inventé le silence dans la tragédie classique? Alors, je ne sais pas s'il a exactement inventé, puisque souvent la tragédie se caractérise par une déclaration tragique. Enfin, on a ça dans l'Antiquité. Oui, mais il faut de l'action quand même dans l'Antiquité, ça. Mais on va plus vite peut-être. Oui. Et puis là, souvent la déclaration apparaît même dès le prologue. Aujourd'hui, voilà ce qui va se passer. Je pense à Sophocle. Donc c'est vrai que Racine, ce qui est différent, c'est cette façon d'instrumentaliser le silence au sein même des dialogues, donc avec des procédés stylistiques très particuliers, comme la posiopèse, l'ellipse, la retenue, la litote, enfin... C'est cette palette qui va donner au silence grâce à des outils rhétoriques tels qu'ils sont décrits par Bernard Lamy, par exemple, dans les traités d'époque, mais aussi par une approche dramaturgique. Ou par exemple, ce qui est très intéressant dans Andromaque, si on devait partir de là, c'est que on nous dit bien, si on regarde tous les indices temporels, voilà un an que Pyrrhus demande à Andromaque de choisir entre se marier avec lui ou sacrifier son enfant, et que pendant un an, elle retarde la réponse, elle retarde cette déclaration. Et donc, à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est que dans toutes les confrontations entre Pyrrhus et Andromaque, Pyrrhus lui dit alors, il revient sur cette attente de parole. Et d'ailleurs, ce procédé va être moqué par une pièce. Oui, il y a des gens qui trouvent d'ailleurs. Oui. Un an, oh là là. Oui, c'est ça, par la Folquerelle de Sublimi, Molière, qui va revenir sur cette indécision et qui va se moquer du procédé. Donc ça veut dire que le procédé est flagrant, mais en même temps, c'est ça qui fait la force de la pièce. Et qui la distingue, par exemple, de l'Andromaque de Ripide ou des versions qu'on trouve chez Sénèque, par exemple. Alors, vous, Jennifer Tamas, quand vous donner à vos élèves, à vos étudiants plutôt, vous êtes professeur, donc je le rappelle, dans le New Jersey, aux États-Unis, vous leur dites tout ça ou... Oui, oui. J'essaye. En anglais? Ah non, mais en fait, en je français. Fais cours en français. Tout On a temps. Encore le grand bonheur, ça va peut-être disparaître, mais d'enseigner totalement en français. Donc ça c'est extraordinaire et c'est vrai que on travaille sur les sources, je leur montre et en fait alors ce que je fais de différent je pense par rapport à l'enseignement en France, c'est que pour leur faire comprendre justement comment Racine travaille ce silence au sein des dialogues, les stratégies d'évitement, la stylistique, etc. Je leur fais écrire les dialogues, je leur demande d'inventer, de passer par l'écriture. On prend une situation, on prend une scène particulière, par exemple la scène de l'aveu entre Phèdre et Hippolyte. Je leur explique... Enfin, entre Phèdre et Hippolyte. Phèdre face à Hippolyte. Oui, prêtre face à Hippolyte qui... Hippolyte n'avoue rien, lui. C'est ça. Il n'a rien à avouer. Et paralysé par, par cette déclaration qui l'immobilise dans le silence, justement. Donc, je leur demande d'écrire un aveu inavouable, enfin, difficile à formuler. Honteux. Et du coup, le fait qu'ils se frottent à cette écriture, à ce problème d'écriture, ça leur permet de mieux comprendre les procédés, en fait. Et je leur demande de le jouer aussi. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à, si vous voulez, à domestiquer ce texte qui leur paraît difficile dans un premier temps. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile à avouer? Qu'est-ce qui provoque le plus de silence dans les tragédies de Racine? Est-ce que c'est l'envie de la folie du pouvoir? C'est l'amour passionné et honteux, selon les raisons pour lesquelles on est honteux d'aimer telle et telle personne? Bah, ce que je trouve très beau chez Racine, justement, c'est que tout est lié, en fait. Ou le désamour. Oui, enfin, par exemple, quand Néron doit s'affirmer devant sa mère, ça passe par cette expérience de l'amour où il doit formuler l'amour devant Junie, vous voyez. Enfin, la question politique est complètement liée à la question amoureuse et l'affirmation de soi pour Néron passe d'abord par cette affirmation amoureuse avant de pouvoir se confronter à sa mère. Donc, oui, enfin c'est finalement moi ce que je dis, alors j'ai peut-être été critiquée un peu parfois pour ça, mais c'est que finalement dire son amour, c'est une façon de dire son identité, et l'identité aussi, elle est mêlée à des questions politiques, amoureuses, religieuses, dans Phèdre, Athalie, etc. Donc c'est pas juste une chose, c'est vraiment l'affirmation de soi. Alors, c'est vrai que ça pose problème au XVIIe siècle. On n'a pas encore cette question de l'individu n'existe pas comme tel. Ce sont des personnages, etc. Donc, c'est difficile je prends plein de précautions dans le livre pour essayer d'affirmer ce que j'essaye de dire. Mais c'est une affirmation qui vise une reconnaissance de l'autre au sens aristotélicien d'un moment où on passe de l'ignorance à la connaissance. Et vos étudiants, Jennifer Tamas, par définition, savent quand ont été créées ces tragédies. Vous êtes obligé un petit peu de faire aussi une histoire de France. Oui, tout à fait. Alors ça, on le fait de manière un petit peu, disons, illustrative, grâce à des PowerPoint. Et en fait, c'est une bonne occasion de leur demander de faire un tout petit peu de recherche. En général, je leur demande de préparer. Donc, vous savez, aux États-Unis, on doit donner au premier cours ce qu'on appelle un syllabus. Et c'est un plan de cours très détaillé où on dit séance par séance toutes les scènes qu'on va analyser et tout ce qu'on va faire. Du coup, ça permet aux étudiants de préparer eux-mêmes les PowerPoint sur l'histoire de France. Et moi, je vais venir compléter ou ajouter des petites anecdotes pour rendre le propos un peu plus spécifique. Mais c'est vrai qu'on est obligé de passer par là, c'est sûr. Peut-être, oui. Peut-être que Néron s'affirmant, si on sait que peut-être ça a été joué devant Louis XIV, ça veut dire quelque chose aussi. Bien sûr. Et puis, moi, je pars toujours de Tacite, hein, des annales. Donc, on voit aussi qu'est-ce que c'est que Néron, qui c'est comme, et par rapport à la mère, et bien sûr, alors après on fait le parallèle entre Louis XIV, Anne d'Autriche, on peut passer par des films aussi, les étudiants américains aiment beaucoup regarder les films, ils sont très friands, donc il y a beaucoup de films qui ont été faits sur Louis XIV, le rapport au pouvoir, à sa mère, etc. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir ces supports visuels, en tout cas, pour parler du théâtre. Et vous avez parlé tout à l'heure, Jennifer Tamas, vous avez cité Corneille. Il y a bien Phèdre aussi, non, de Corneille? Non, il n'a pas fait. Non, c'est Tite et Bérénice. Il y a Tite et Bérénice. Voilà, donc, oui, c'est ça. C'est intéressant, mais parce que Tite... Il y a Bérénice de Racine, bien entendu, et que l'on va entendre dans quelques dizaines de minutes. Et puis, il y a un Tite et Bérénice. Oui, mais deux pièces qui ont été jouées, si je comprends bien. Il y avait une histoire de rivalité. La même semaine. Oui, c'est ça, et de création. Sauf que la pièce de Corneille est plus du côté de la comédie quand même, et ne pose pas du tout les mêmes questions. C'est plus une, comme souvent chez Corneille, des questions de politique, de ruse, de politique, où l'amour est subordonné à la ruse et vraiment à des questions de pouvoir. Alors que vraiment chez Racine, racine, sa Bérénice est encore quelque chose de différent, puisqu'on a même parlé d'élégie hein, pour cette pièce, puisque, comme vous le savez, c'est une des rares tragédies de Racine qui, dans laquelle il n'y a pas de mort. Donc, avec un langage tout à fait particulier, qui a été critiqué à son époque aussi, puisqu'on lui a refusé cette attribution de tragédie. Donc, non, mais c'est vrai que c'est intéressant de travailler cette comparaison entre Corneille et Racine, ce qu'on fait évidemment dans les cours. Alors avec le grand Corneille, mais aussi avec Pradon, qui est un moins grand écrivain. Donc ça pour la querelle de Phèdre, oui, c'est intéressant aussi d'expliquer qu'en fait, même au temps de Louis XIV, il y a des espèces de coups de publicité. Donc dans la société capitaliste américaine, c'est quelque chose qu'ils comprennent évidemment. Ces coups qu'on fait, les recettes. Donc on parle un petit peu de cet aspect financier, de cet aspect aussi de rivalité en fait. Donc oui, j'en parle un petit peu, mais c'est vrai qu'on doit quand même concentrer ses efforts sur quelques tragédies. Donc ça fait partie du cours d'introduction en général. Et vous avez lu le Phèdre de Pradon ? Ah oui, j'ai lu tout. Toutes les Phèdres. Enfin, j'étais obligée en fait pour essayer de comprendre la spécificité racinienne, de lire en fait, et j'ai adoré faire ce travail, de lire toutes les Phèdres antérieures, contemporaines. C'est votre travail, hein, vous êtes universitaire quand même. Oui, mais c'était un grand plaisir de faire ça, parce que à chaque fois on dit ah oui, Racine c'est unique, mais essayer de comprendre pourquoi c'est tellement particulier, qu'est-ce qui se passe en fait. Pourquoi Racine est resté, le Phèdre de Pradon n'était pas du tout, eu beaucoup de succès aussi, c'était pas du tout considéré comme quelque chose de mineur ou pas du tout. Enfin, c'est ça qui est intéressant, mais c'est. Hippolyte est censé, lui, avoir compris depuis longtemps chez Pradon. Oui, tout à fait. Et Pradon évite un petit peu la difficulté puisque Phèdre n'est pas encore marié à Thésée. Donc il y a aussi toute cette question de l'inceste, vous savez, qui pose problème au XVIIe siècle par rapport à la question des bienséances. C'est aussi pour ça que, par exemple, quand Corneille doit écrire son Édipe, il contourne aussi la question de l'inceste et introduit une question de pouvoir avec un personnage secondaire qu'il invente. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que Racine finalement n'évite jamais la difficulté, n'évite pas des choses qui heurtent les bienséances, comme un suicide sur scène ou un inceste. C'est pour ça que je dis qu'il y a une violence chez Racine qui est vraiment là et qui nous parle absolument aujourd'hui encore. C'est transgressé. C'est ça. L'indicible ? Oui, et puis il le fait d'une manière très habile, puisque à chaque fois, dans ses préfaces, il prend le temps de rappeler qu'il respecte bien les règles de bienséance, qu'il respecte bien Aristote, mais pourtant il arrive à contourner la difficulté grâce à cette façon d'écrire qui est merveilleusement belle et qui joue du silence, mais aussi une manière d'écrire l'amour qui est absolument magnifique. J'ai glissé la formule, je me suis demandé en début de nuit, Jennifer Tamas, si nous aurons des nuits Racine plus belles que vos jours. Donc vous imaginez bien à quelle lettre de Jean Racine je fais allusion. Et qu'il écrit à Uzès, depuis Uzès, il écrit à une jeune femme, je crois que c'est une de ses cousines d'ailleurs, et lui dit nous aurons des nuits plus belles que vos jours. C'est la lettre 14 de Racine à Mlle Vittard. C'est le 17 janvier 1662. On voit deux plaques, je crois, à Uzès, de cette formule. On ne sait jamais qui a dit « Mes nuits sont plus belles que vos jours ». On croit que c'est un roman, titre d'un roman. C'est aussi le titre d'un roman, je crois. Mais enfin, en tout cas, c'est de Racine. Donc ici, dans les nuits de France Culture, évidemment, on pense que les nuits sont plus belles que les jours. Mais je le dis sans, bien sûr, que en ne le pensant pas, les jours sont aussi magnifiques. Jennifer Tamas, vous alors, quand vous faites étudier Racine, il y a bien des moments où vous choisissez quand même une pièce que vous préférez et qui pourrait, vous n'allez pas faire étudier en une année, 11 tragédies de Racine. Je parle des tragédies, la comédie Les Plaideurs, nous en parlerons la semaine prochaine et dans une deuxième nuit Racine, nous en parlerons avec deux avocats, parce que une avocate, Mathilde Joanneau, et un avocat, Basile Ader, parce que évidemment c'est une pièce, cette comédie, qui concerne vraiment le monde de la justice et qui se moque du monde de la justice. Bon, nous sommes sur les tragédies. Donc, quelle tragédie correspond le plus à votre essai, Le silence trahi, Racine ou la déclaration tragique ? En fait, moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que c'était un principe dramaturgique qui pouvait expliquer toutes les pièces. Oui. Enfin, ce qui est toujours problématique quand on essaye d'expliquer une œuvre à travers un procédé. Mais pour ce qui est de l'enseignement, en fait... Un procédé et pas un truc. Oui. Non, je ne crois pas que ce soit un truc, vraiment. Mais bon. Très péjoratif, quoi. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'enseignement, en fait, on raisonne par thème. Donc, par exemple, ce semestre, j'avais un séminaire gradué où on travaillait sur la question du deuil au XVIIe siècle et de la question de la séparation, comment on explique la séparation, comment on se sépare, comment, etc. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai étudié Andromaque dans le cadre de ce séminaire qui était adressé aux étudiants en thèse, graduate students. Par contre, j'avais un autre cours qui, lui, s'intéressait, j'avais appelé ça infamie, pour faire un jeu de mots entre l'infâme et la famille, et sur les crimes familiaux, en fait. Donc, on partait de Thieste, de Sénèque, et on finissait avec juste la fin du monde de la Garce. Et du coup, là, on s'intéressait aux crimes familiaux, donc par rapport à l'inceste, on a étudié Phèdre et on a étudié la Médée de Corneille parce qu'il s'agissait du meurtre des enfants. Donc en fait, oui, ça dépend des thèmes qu'on étudie au cours des semestres. En fait, du coup, ça me permet de varier les plaisirs et d'étudier différentes tragédies à chaque fois. Je me demande, Jennifer Tamas, si ce qui n'est pas un truc, si c'est un procédé dans le très bon sens du terme, évidemment, enfin que vous découvrez comme ça dans le silence trahi, si ça pourrait s'appliquer à l'art qui n'en est pas un, mais enfin à l'interview. Ah oui. Radiophonique ou télévisuelle. Le point commun, je dirais, c'est que si je me mettais à ne plus parler, je pense qu'il y aurait, justement comme au théâtre, le silence fait figure d'intrus et que ça provoquerait un trouble ou une gêne. Oui, mais alors le silence quand même, c'est pas simplement laisser passer un silence, chez Racine, c'est pas ça. Non, sinon, pas du tout. Ce serait étrange, ça dépendrait des mises en scène, seulement des mises en scène, c'est pas le cas. Oui, tout à fait. Non, c'est vrai que le silence, c'est toute l'ambiguïté du mot silence, en fait. Et le silence, c'est pas seulement l'absence de mots, bien que on peut imaginer cette absence de mots. Quand, par exemple, Phèdre fait sa déclaration d'amour à Hippolyte et qu'il ne répond pas, et qu'elle est obligée de continuer à parler, et qu'elle lui dit « mais donne-moi ton épée ». Donc, par exemple, la mise en scène de Chéreau enchaîne, c'est beau. est tout à fait emblématique, puisque pour combler ce silence, elle va répéter un mot qui n'est pas dans le script de Racine. Elle va dire « donne, donne, donne » pour s'emparer de l'épée, justement. Donc, on peut jouer du silence comme absence de mots. Mais le silence que j'ai essayé de montrer, c'est que c'est aussi tous les moyens de parler, de faire silence, c'est-à-dire soit de parler d'autre chose, de ne pas répondre aux questions. Par exemple, quand Monime est interrogée par Mithridate, qui essaye de savoir de qui elle est amoureuse et qu'elle lui répond autre chose, de ne pas répondre. Ou c'est aussi une façon de... Ça, c'est l'inquisiteur qui veut tout savoir. Enfin, c'est ça. Les figures d'inquisiteur. Dans Enquête et Inquisition, oui. C'est généralement le monarque, enfin, l'homme fort de la région, qui doit tout savoir, enfin, par sa police, C'est ça. Ça nous aide, nous aussi, spectateurs, grâce à lui, grâce à sa demande, eh bien, on est spectateur pour savoir ce qui se passe, ce qui s'est passé dans les coulisses, ce qui va se passer, ce qui se passe entre deux scènes, ce qui se passe entre les personnages. Oui, il essaye de vraiment pénétrer dans les cœurs et donc d'interroger. Et parfois, il interroge mal, comme Thésée, quand il rentre et qu'il se livre à une inquisition où il se méprend totalement. Mais c'est aussi, donc, ce que j'ai essayé de montrer, c'est la... Le moyen. Donc là, on serait plus proche de Léo Spitzer, c'est-à-dire de répondre de manière atténuée par la littérature. Atténuer l'horreur. Oui, voilà. Alors, soit atténuer l'horreur, soit atténuer quand on est une femme et que... Alors, ça pose problème. Comment, au XVIIe siècle, quand on est une femme, on énonce ses sentiments? Quand on lit les traités conversationnels ou même les traités théâtraux, vous savez que il y a une question de pudeur, de bienséance. On peut pas se déclarer à tort et à travers. Donc Racine joue de ça, des litotes. Corneille aussi, on rappelle quand Rodrigue... Enfin, je ne t'ai pas. Oui, voilà. Mais ce qui est intéressant chez Racine, c'est que les femmes aussi disent leur amour de manière tonitruante. Donc il y a cette cette ambiguïté-là, en tout cas, ce contrepoint qui est intéressant. Alors, je rappelle le titre de votre essai, Jennifer Tamas, Le silence trahi, racine ou la déclaration tragique. Et c'est un essai très intelligent et très nourrissant et qui donne envie de lire toutes les pièces de Racine. Donc, vous avez atteint votre but. De toute façon, on vous retrouve en fin de nuit et d'ici là, eh bien, on va suivre Bérénice, on va suivre les débuts du jeune Racine, on va suivre Sarah Bernard, on va écouter Serge Bourris le recevoir pour son spectacle Racine par la Racine, et puis on va suivre Britannicus, et puis le Racine prosateur, et on terminera par des cours donnés par Madame Simone dans l'art du comédien, et on retrouvera Phèdre, bien entendu, et puis on vous dira en fin de nuit de quoi sera faite la deuxième nuit. Mais c'est la première nuit Racine.